Avec toi je prends du recul mais j'avance tout seul. Traversé du désert comme un sans trooper. Ta conscience est teintée d'une absente couleur. Frangin, j'écoute mes rêves comme Agent Cooper. J'ai du mal à pleurer, je me sens comme le Chief. Tout comme Peter et Paul, je mène une drôle de vie. En vrai j'ai plus de cœur qu'un Aztec Cupid. Je connais mes objectifs comme Stanley Kubrick. Yeah. J'arrive dans la maison comme un valet mais je ne m'incline pas devant le trône de fer. L'homme parle depuis les gradins mais dans la fosse se tait. Ma présence t'invite à penser comme un Cronenberg. Tu m'as nommé Sensei, dans le tort j'excelle. Je me sens comme un eunuque, j'arrive dans le bordel zen. Je tombe amoureux d'elle dans la stock, elle est morte, quelle scène. Je suis dans une histoire de violence Viggo Mortensen. Yeah. Billy n'attend pas que tu le pardonnes. Fais une croix à côté de mon nom comme Malcolm. L'équilibre ne me convient pas mon ami, je me suis maintenu dans le vide comme un falcon. Évidemment que j'adore ma peine, je fais des conneries dans un motel à la Norman Bates. Évidemment que la mort m'apaise, mais ce n'est pas sous le masque blanc qu'aurore chaque plaie. J'arrive brutalement comme un coup d'état, j'apporte une limpidité comme le trou des balles. J'aime une paire de singes, j'aime un poulet time, mais je comprends tous les points de vue comme un bullet time. J'ai développé le Kaioken, je mets deux doigts sur mon front, je disparais. T'as pas plus de vertu qu'une cigarette, je vois le nombre 23 comme Jim Carrey. Yeah. Ces rappeurs sont très bons dans la paraphrase. J'ai très peu d'émotion, docteur Manhattan. Je ne t'aurais vu que sous mes pieds comme un tapis. Enfermé dans la prison que j'ai bâti. Je ne dors que d'un œil comme Kakashi. La matrice et la matrice, ma catharsis. Parlons de la victoire de Macbeth. Je suis venu tout baiser comme un jeune primate. Faiblesse dans leur technique à la Tenchinan. Bipolarité simulée comme dans Peur Primal. T'es comme une carte piège, t'es pas vraiment d'attaque. Si je te tire dessus, c'est pour tuer l'ennui. Un jour je t'aime, un jour plus très envie. Je fais tout sur un coup de tête comme Jason Statham. Piégé dans ma conscience, je transfère l'image que ma rétine bloque. Migraine, aura visuelle, je connais les vertiges d'Alfred Hitchcock. Oiseau dans le piège, ta meuf est un hobbit. J'ai mis l'anneau dans le verre, j'ai pas les pieds sur terre. J'ai mon château dans le ciel, tu rêves de tomber sur le roi, deviens cartomancienne. Hold up, j'ai pas le temps, je pose l'iPhone. J'évolue sans prévenir comme le taux d'alcool. Je pourrais te dire que je suis le meilleur que ma prostasome. Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac à la Doraemon. Mets les oiseaux dans le piège, mets les oiseaux dans le piège. Tous les oiseaux dans le piège, mets les oiseaux dans le piège. Mets les oiseaux dans le piège, mets les oiseaux dans le piège. Tous les oiseaux dans le piège, mets les oiseaux dans le piège. Tous les oiseaux dans le piège, mets les oiseaux dans le piège. Mets les oiseaux dans le piège, tous les oiseaux dans le piège. Yeah.